Chapitre 14. Des années plus tard. Environ 6 mois avant son décès, Paul et moi, en partance pour un voyage en Turquie, rencontrons Karl lors d'une escale à Stuttgart, la ville où il réside. Il ne caresse plus sa moustache rouge voluptueusement. Chenu, il fait beaucoup plus que son âge. Nous déjeunons ensemble dans un restaurant sympathique aux abords de la ville. Toujours aussi simple, Karl, toujours aussi jovial. Il mentionne ses deux cancers, mais il ne va pas trop mal, dit-il. Il faut excuser son retard à la gare. La veille, il a trop bu avec des comparses et s'est couché à 5 heures du matin. À la fin du repas, il nous propose une visite de son atelier. Se gare dans un tournant, le sourire aux lèvres. Heureusement, c'est dimanche. Nous jetons un coup d'œil sur ses riches collections au style très varié. Lui, par contre, n'a guère changé depuis sa jeunesse. Comme autrefois, je reste insensible à son travail, bien qu'elle soit une sommité au niveau mondial dans sa partie. Il a des œuvres dans des musées, ce dont il se montre très fier. Parfois, explique-t-il sans forfanterie, il réalise des séries de lithographies qu'il vend très cher quand il a besoin d'argent. Il nous emmène ensuite dans sa maison relativement modeste, laquelle s'avère très chaleureuse, bien que blanche du sol au plafond. Certains murs sont tapissés entièrement de livres d'art et d'œuvres fort bien mises en valeur dans ce cadre très design. Dans les combles, nous voyons de loin, ensevelie sous sa couette, sa fille de 15 ans. Karl s'approche d'Elli sur la pointe des pieds, fourrage dans sa tignasse, puis déclare qu'il faut la laisser dormir parce qu'elle a fait la fête jusqu'au petit matin. De son fils aîné, qui a mal tourné, il préfère ne pas parler. Son épouse arrive en fin d'après-midi. Pas Agnès, la Suissesse, non. Les deux se sont séparés d'un commun accord au bout de 10 ans de mariage et restent amis. La très belle femme qui se pointe dans l'embrasure de la porte du salon, Bettina, de suite tout sourire, disparaît presque aussitôt dans la cuisine d'où elle revient avec du thé et des biscuits. L'historienne d'art évoque un peu la conférence qu'elle vient de tenir à Francfort. Puis Karl parle un peu des anciens amis. Manfred, toujours marié à Elke, professeur de lycée depuis 2 décennies, n'a plus le temps de peindre. Pour rentrer chez lui, il faut se déchausser. Wolfram, quant à lui, ne crée pas plus que par le passé et mène une vie pantouflarde auprès de Claudia. Les deux couples ont un seul enfant. Et Thomas Grossman, le fils de Petit Chat, qu'est-il devenu? Il écrit des bouquins sous un pseudo, mais il a changé de nom de famille de toute façon. Sais-tu pourquoi? Je ne l'ai jamais su. Un secret de famille, je suppose. Il est resté célibataire. Il n'a jamais été amoureux des femmes, tu le sais bien, Clotilde. Son frère, Andreas, qui a épousé une jeune et jolie pépée, après avoir largué Birgit, dirige un hôpital. Aux dernières nouvelles, leurs parents vivent encore. Toujours chat et chien, bien sûr. Et Bernd? Il continue toujours son même train-train avec Gerda. Il s'amuse en écrivant dans la veine humoristique. Vas-tu encore à Brunswick? Bien sûr, 3 ou 4 fois par an pour rendre visite à ma mère. Je me souviens de ces fabuleux gâteaux et des explications interminables de ton père sur des problèmes techniques. Cela fait 15 ans qu'il nous a quittés. Ma sœur aussi, suite à un cancer du sein. Et Klaus, tu le vois parfois? Oui, il faut prendre rendez-vous avec lui longtemps à l'avance. Tout est planifié avec lui. Bettina opine du chef en souriant. Je l'ai pistonné pour une grande exposition à Mannheim qui a été un succès. Il s'est donc remis à peindre? Oui, des nuages. Ce qui a changé chez lui, c'est le thème, pas le style. Karl caresse voluptueusement ce qui lui reste de moustache. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je n'ai jamais compris ses obsessions d'antan. Une concession à l'époque, rien d'autre. Toujours aussi brave et fidèle, Karl. Il a gardé des contacts avec tous ses anciens amis, même moi qu'il est venu voir avec Agnès 3 ou 4 ans après ma séparation d'avec Klaus. Ce dernier, m'avait-il alors raconté, a trouvé chaussure à son pied dans les 6 mois après mon départ et vit avec son nouvel amour dans une petite ville au bord du Léman. Il réalise des choses formidables avec ses élèves, mais il ne faut pas lui parler d'enfant, ce qui ne semble pas poser problème à sa compagne, propriétaire d'une librairie, une très gentille femme qui obtempère à tous les désirs de son compagnon. J'ai téléphoné 3 fois à Klaus dont j'ai obtenu le numéro de téléphone grâce à Karl. La première fois, chacun donne des nouvelles de sa famille. Le décès de M. Lehmann et de mon père, les mariages des sœurs, les naissances, les professions des uns et des autres. Tu ne cries plus, Klaus? Non, je n'ai pas le temps. Par contre, j'ai une vigne et je me suis découvert une passion pour l'œnologie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'écris, pour le plaisir, pas pour publier. Cela ne m'étonne pas. Je me souviens des petits textes que tu écrivais naguère et de tous ces romans que tu me lisais à haute voix. Tu étais pour moi la littérature incarnée. Je n'ai jamais retrouvé cela. Moi non plus. Sinon, tout va bien pour toi? Oui, très bien. C'est dommage quand même que tu ne peignes plus. Silence, puis. Au revoir, Clotilde. Oui, au revoir. Lors de mon second appel, je demande. Pourquoi ne viendrais-tu pas nous voir en Lorraine avec ta femme? Je ne me déplace plus guère car j'ai des problèmes cardiaques. Je ne voyage plus, même pour aller voir ma mère. Tiens, elle est là, justement. Tu veux lui parler? Oui, pourquoi pas. 10 secondes plus tard. Elle ne veut pas. Elle n'a rien à te dire. Transmets-lui le bonjour quand même et signifie-lui que j'ai gardé le meilleur souvenir d'elle et de ton père. Je comprends qu'on m'en veuille. Ce serait temps qu'on se revoie. Viens-toi, nous pouvons t'héberger pour une nuit. On verra, je viendrai peut-être avec ma fille. Sais-tu qu'elle est blonde comme les blés? On dirait une Scandinave. Toi, tu n'as toujours pas d'enfant? Non, Dieu merci. Je m'occupe un peu de mes deux neveux, les fils d'Ursula, qui est décédée l'année dernière. La petite Ursula, morte? Ta jolie petite sœur aux yeux verts, pailletés d'or? Mes parents l'avaient trop gâtée. C'était une éternelle insatisfaite, et elle a fini alcoolique. Tu ne l'as pas aidée. Elle t'adorait. Elle appelait sans arrêt. Jour et nuit, elle m'a épuisée. À la fin, je ne décrochais plus. Ah, l'égoïste, ai-je pensé. Il ne faut pas trop le déranger, celui-là. Je suis bouleversée. Tu te souviens de cette photo où elle posait à côté de moi? N'évoque pas ce passé, s'il te plaît. Oui, tu as raison. Mais tu sais, je n'oublie rien. Sais-tu que je me suis remise à la peinture depuis une dizaine d'années? La peinture, ta vieille obsession. J'ai toujours aimé travailler de mes mains. Tu ne crois pas en mes capacités? Le savoir-faire sans la culture et l'inspiration n'est rien. Je le pense aussi, bien sûr, mais cela te gêne que je rivalise avec toi, hein? Déjà autrefois. Fais donc ce que tu veux de ta vie, comme tu l'as toujours fait. Tu ne peins toujours pas, toi? Non, pas depuis que tu m'as quittée. Je raccroche. Il veut tout me mettre sur le dos, le lâche. Le dernier coup de fil a lieu peu avant le décès de Karl. Il me faut des jours et des jours pour m'en remettre quand tu m'appelles. Je ne veux plus t'entendre. 10 minutes plus tard, je refais le numéro. Nous ne sommes pas ennemis tout de même. Je te dois beaucoup, je tiens à te le dire, au moins une fois dans ma vie. J'ai la même manière de dessiner que toi. Et puis, ma connaissance de la culture allemande, je te la dois en grande partie. Une certaine manière de penser aussi. Silence. Tu sais, je suis infiniment triste de savoir Karl si malade. J'essaie de le réconforter au téléphone. Il est perdu, c'est sûr. Mais il menait une vie déréglée. Je ne pensais pas qu'il finirait comme ça. Il a organisé l'année dernière, à mon intention, une grande exposition à Mannheim. Il avait invité au vernissage tous nos anciens amis communs. Wolf et Angelica étaient là. Il y a une éternité que je ne les fréquente plus. Je sais que Wolf a repris la pharmacie de son père, c'est tout. Tu t'es donc remis à peindre. J'en suis fort heureuse. Sais-tu ce que je fais? Oui, car m'en a touché un mot. Et Klaus de décrire des tableaux au cours des nuages. J'aimerais voir ça, Klaus. Pendant un moment, nous retrouvons nos 20 ans. Klaus, ce qui nous unissait, c'était l'art. Tu ne penses pas? Ce n'était pas l'amour fou entre nous, dis. Tu parles pour toi. Moi, je nous concevais comme des frères siamois. J'ai très mal quand je pense à toi. Mais tu aimes ta nouvelle femme. Silence au bout du fil. Au revoir, Klaus. Je ne te dérangerai plus. Au revoir, Clotilde. Le souvenir et le sentiment sont tenaces chez moi. J'ai réussi à joindre nombre de mes anciennes connaissances grâce aux moyens de communication modernes. Pas de traces de Beate et de Jutta, mes amies de Göttingen, sans doute mariées. Heureusement, il me reste la petite Lisa, avec laquelle j'ai échangé des centaines de lettres. Je ne sais pas non plus ce que sont devenus Jörg et Eva. J'ai longtemps cru que Byron était retourné en Grèce pour soigner les petites gens, comme il disait. Puis un jour, en cliquant sur son nom dans un annuaire allemand, je trouve son numéro de téléphone. Gastro-entérologue à Hanovre, marié à une Allemande exerçant dans le même cabinet. Exit Irmgard, sa fiancée de Gifroy. Je l'appelle, sa voix n'a pas changé. Il ne cesse de répéter. Ça alors? Il me rappellera, dit-il, car il est en consultation. Mais il ne le fait pas. Qu'importe, ce petit signe de vie apaise définitivement ma curiosité. Aurions-nous tant à nous dire? Qu'avions-nous réellement en commun? Auprès de lui, ne rêvais-je pas de la Grèce? Et Aziz? Un clic et 2 secondes plus tard, il répond. Il n'a pas oublié ses premières amours. Quand nous nous revoyons à Paris quelques mois plus tard, je n'en reviens pas de découvrir un homme portant, tout comme moi, assurément, les stigmates de l'âge. Impossible de faire coïncider les deux images du petit jeune homme que j'ai connu et le grand bourgeois actuel, très impliqué dans la politique de son pays. Un personnage intéressant, très vivant, charmant en fait, mais avec lequel je n'aurais été d'accord sur rien. Quant à David, il habite toujours dans la même ruelle de Lausanne comme je le présumais. Une fois, je me décide à le joindre par téléphone alors que je me trouve à Genève. Il s'est mis à peindre, organise des expositions pour lui et pour d'autres artistes en Suisse, mais ne rencontre guère de succès. Il viendra me voir en Lorraine, affirme-t-il, mais je ne le verrai pas. Il n'a sans doute pas voulu affronter une réalité qui lui jette à la figure l'épaisseur des années passées et sa vie passablement ratée. De mon passé, seule classe surnage. Boudeur, égocentriste, perfectionniste, pas très généreux, mais cultivé et rigoureux. Lui seul a laissé chez moi une empreinte durable. Amour, pas amour, seulement de l'amitié. L'image charnelle n'est plus que désincarnée. Pas de nostalgie de ce côté-là. Un attachement d'ordre intellectuel, assurément, lié indubitablement à la curiosité de l'ennemi d'hier et qu'un héritage historique trop lourd et un fossé culturel ont peut-être fait échouer.